cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakmil bab as-salat fi al-ni'al. Qala al-Sheikh al-Albani rahimahullah wa kana idha naza'ahuma ay wa kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam idha naza'a na'alayh وضعهما عن يساره وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. هذه الأحاديث واضحة أن المصلي إذا لم يصلي في نعليه فإن كان في صلاة الجماعة فيضع نعليه بين رجليه. Si il est en salat jama'ah et il prie pas dans ses ni'al, fa il les place entre ses pieds. Fa in kana huwa al-imam aw kana bi mufradih yad'uhuma 'an yasarih aw bayna rijlayh. S'il est tout seul, il les place à sa gauche ou entre ses pieds كذلك. Amma 'an al-yamin fa كما في الحديث فلا يضع نعليه عن يمينه. هذا خلاصة القول في هذا. ينادي الأفضل والسنة المصلي يصلي بهما، هذا الأفضل. وانظر للمزيد رسالة الإمام الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، مشروعية الصلاة في النعال رحمه الله، إلى يكون رسالة في هذا الموضوع. أما نحن ما ذكرنا يكفي. قال رحمه الله الصلاة على المنبر، والمنبر معروف أي فوق المنبر يخطب الخطيب يوم الجمعة، المنبر معروف عند الجميع. قال رحمه الله وصلى صلى الله عليه وسلم مر على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، أي النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى في الصلاة sur le منبر. Et dans une رواية ce منبر il avait trois درجات. فالسنة on dépasse pas trois درجات. أما بعض الناس الآن يبالغون فتتخوف منبر إلى 10 درجات 15 20، وهذا خلاف السنة. قال شيخ الألباني في الحاشية قال هذا هو السنة في المنبر، أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر، والزيادة عليها بدعة أموية. نعم في ذلك الزمان بعد الأمراء إذو غجوتي. هذه الفائدة أن المنبر لا بد أن يكون كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يدباس با ثلاث درجات، que le masjid soit grand ou petit، لأن ثلاث درجات يكفي، ولو المسجد il est grand يرى الإمام من بعيد. قال رحمه الله فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرة، أي il est revenu en arrière pour faire le sujoud، حتى سجد في أصل المنبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم il était sur le منبر إلى في التكبير ثم إلى في الركوع، الآن il est sur le منبر، ثم il s'est relevé du ركوع، il est descendu et il est revenu en arrière حتى il peut faire le sujoud. قال ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. الحديث اللي في الصحيحين، وهذا واضح أن المقصود ستتعليم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait هذا pour apprendre aux gens صفات الصلاة. Ça nous montre l'importance de connaître et d'apprendre et d'enseigner صفات الصلاة. Comment faire الصلاة. فلا بأس للمعلم في المسجد أو في غيره أنه si il veut apprendre à ses élèves et il monte sur le minbar ou sur quelque chose d'élevé حتى tout le monde le voit. فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait على المنبر. أما faire la salat sans aucune raison sur le minbar, là النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait للتعليم. المهم Al-Maqsoud, c'était At-Ta'lim. Thumma, si tu veux leur montrer ce jour, tu recules. Comme il a fait le Nabi Aïssa al-Salam. Il y en a, tu ne pourras pas faire ce jour sur cette chose élevée. Hada, fa'idat, dhikr hada al-hadith huna. Al-hadith, il est fait sahihain. Il l'a cité fait al-hashiyah. Wa hada, c'est wadih. Qala rahimahullah, al-sutra. Wa wujubuha. Il va citer wajibat al-salat. Et il va commencer par sutra. Amma hukm sutra, fahya wajiba ala sahih. Comme il a cité Cheikh Al-Albani, qala sutra wa wujubuha. Aïe la sutra et l'obligation de la sutra. Awalan, la sutra hiya ma yaj'al al-musalli amama li man'i al-murur bayna yadayhi. C'est ça une sutra. Aïe ma yaj'al al-musalli amama. C'est une chose que le musalli, celui qui fait salat, il met en face de lui. لمنع المرور بين يديه حتى si une personne elle veut passer elle passe derrière cette sutra ça c'est comme un obstacle et on va voir la longueur la largeur la distance tout ça on va voir باذن الله عز وجل اما ce qui nous intéresse الان c'est تعريف السترة وحكم السترة اما التعريف فما يجعل المصلي امامه لمنع المرور بين يديه هذا تعريف السترة اما الحكم Le jugement de cette sutra, est-ce que c'est obligatoire amla? On a dit annas sahih annaha wajiba. Wa huwa ikhtiyar al-imam al-albani rahimahullah. Qala as-sutra wa wujubaha. Wa ad-dalil ala wujubaha hadith Abdullah ibn Umar sayati ma'ana. Il va le citer Cheikh al-Albani. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la tusalli illa ila sutra wa la tad' ahadan yamur bayna yadayk wa bayna as-sutra. فهذا سأمر لا تصلي إلا إلى سترة أنه يقتضي الأمر ولا تدع أحدا يمر بين يديك فالحديث يمضغ أن النبي صلى الله عليه وسلم أغدني de prendre une sutra أي tu places quelque chose devant toi حتى celui qui veut passer il passe derrière هذا الحديث وما بغى شغل الألباني إلا صحيح إلي صحيح رواه ابن خزيمة في صحيحه أي لصحيح من الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم que ça soit en voyage ou quand il était résident عليه الصلاة والسلام il ne laissait jamais ce sutra أن دائما il lui plaçait quelque chose devant lui et ça montre هذه المداومة avec ce أمر ça montre que c'est واجب فالقول بمن قال بالاستحباب أي celui qui dit que c'est pas obligatoire c'est recommandé فقط Il est obligé d'emmener un dalil pour nous prouver, pour nous montrer que هذا الأمر c'est l'istihbab. العلماء الفضلاء يستدلون أي الذين يقولون بالاستحباب يستدلون بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير جدار. C'est un hadith صحيح في صحيح البخاري. لكن هذا الحديث في الحقيقة لا ينافي اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للسترة. لأن حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم il a pas prié en direction d'un mur. فبعض العلماء ils ont dit خلاص النبي صلى الله عليه وسلم c'est un dalil qui montre que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a pas prié en direction d'une sutra. فايز ont dit l'ordre qu'on a vu نحن c'est pour les sahabas c'est recommandé. هذا في الحقيقة c'est pas لازم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار ça veut pas dire qu'il avait pas de sutra. Ça veut pas dire qu'il avait pas de sutra. Il avait une sutra autre qu'un mur. Dan ibn Abbas, il a vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam prier. Il n'a pas prié en direction d'un mur. Lakin peut-être qu'il avait une autre sutra. Et c'est ça l'asl. Anta matalan, tu pries. Et ta sutra, c'est un frère. Un frère, il est assis, tu pries en direction de lui. Wahid, il dit, j'ai vu Foulan faire salat. Il n'a pas fait salat en direction d'un mur. Est-ce que ça veut dire que tu n'avais pas de sutra? La sutra, ce n'est pas que le mur. Le mur, c'est une catégorie de sutra. Et on va voir, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la salat en direction d'un arbre, en direction d'une bête, en direction d'une personne. فهذا الاستدلال, il n'est pas sahih. على كل حال, on conclut de tout ça, أن السترة لواجبة. وهو قول كذلك الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وهو الصحيح. فالسترة لواجبة. Et même si on dit c'est une sunna, Les personnes qui prennent la vie que c'est une sunnah, la yambari tarkuha. La yambari tarkuha. Même si on dit que c'est recommandé, fa la personne yahris ala as-sunan wa tatbiq as-sunan. Les savants qui ont dit c'est recommandé, ça ne veut pas dire qu'il faut la délaisser. Si ils t'ont dit que c'est recommandé, applique le recommandé tant que tu peux. À quoi les ulama, tu vois, imma c'est le wajib, imma c'est le mustahab. Enfin, à la kulli hal, ou alors il choisit la vie que c'est recommandé, il ne délaisse pas hadith sunnah. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas délaissé fil hadar. ولا في الصبر نحن نرى أن الصحيح أنها لواجبة هذا أولا قال الإمام الألباني رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع الحديث في البخاري قال وبين موضع السجود وبين موضع سجوده والجدار ممرشاء ثم قال on va l'avoir en détail نقرا قال وكان يقول لا تصلي الا الى ستره ولا تدع احدا يمر بين يديك فان ابى فلتقاتله فان معه القرين اما حديث لا في انه في وجوب لا تصلي الا الى ستره في وجوب اتخاذ الستره on a vu que la sutra c'est obligatoire اما قوله tu laisses personne passer devant ta sutra سيأتي معنا في آخر الباب سيأتي معنا ونكسبيكها في ديتاي قال ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته كذلك سنو فايفوغ الآن la distance entre la personne et la sutra les hadiths qu'il a cité الشيخ الألباني الآن ils sont حول هذه المسألة في هذا الباب في هذه المسألة تدو حديث que le Cheikh Al-Albani l'a cité. Al-Hadith al-Awwal, fakana baynahu wa bayna al-jidar, thalathatu adra' ou adra' bi dhamm ar-ra'. Hadha al-Hadith al-Awwal. Wa al-adra' ma'roufa entre le doigt et le coude. C'est ça la distance. À l'époque, ta'lamoun, ils n'avaient pas les distances qu'on a aujourd'hui. Le mètre, le kilomètre, il a akhir, les centimètres. Ils n'avaient pas hadha. Ils mesuraient souvent avec al-shibr. Al-shibr, c'est hadha. Entre ton pouce et ton majeur. Hada, c'est un chibre. Adhira, c'est le bout de ton majeur jusqu'au coude. Fannabi sallallahu alayhi wa sallam, entre lui et sa sutra, talatat adra. Fait, tu comptes 1, 2 et 3. On va voir que ces distances, c'est taqribiyan. C'est pas au centimètre près, fi hada. Lakin, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il cite ce genre de distance, c'est mimbab taqrib. Mais Anna Yassoub alayhi qu'à chaque fois tu mesures. Lakin, Antal'an, tu sais qu'elle a ta droite à peu près la distance. Fahada, fataj'al al-sutra, il a hada al-miqdar. Entre toi et ta sutra, ثلاث أذرع. Ça c'est le premier hadith. الثاني, le premier hadith il est في صحيح البخاري. Et le deuxième qu'on va lire الآن il est في الصحيح. قال وبين موضع سجودي والجدار ممرشاء. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ Comment on rassemble le deuxième hadith avec le premier? هذا الآن, ce hadith il nous montre أن la distance entre celui qui fait salat et sutra, l'espace. Une bête elle passe, chat, une brebis, un mouton. Enfin, la chèque ça va être moins de talatatu adra. La chèque, anta, matalan, une bête, elle peut passer, matalan, miqdar hada. Enfin, kayfa najma' bayna hada wa hada. Les deux hadiths sont sahih. Faddal. C'est le minimum. Là. هذا في السجود انتبهوا للحديث البروفيت صلى الله عليه وسلم قال وبين موضع سجوده ce qu'on a cité ثلاث أذرع c'est quand t'es debout فلا شك que quand t'es debout la sutra elle est éloignée ثلاث أذرع quand t'es في السجود entre ta tête مثلاً أنا je fais السجود ici entre ma tête et sutra ma marcha aïe tu laisses entre ta tête et un sutra l'espace une bête elle peut passer شاء Cette bête, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Zakaraha al-Sha. Aïe, un mouton, une brebis. Hada la chèque, ça va être un petit espace. Cet espace, mathalan, moins d'un un dhir, elle peut passer. Fahada. Ces deux hadiths, ils nous montrent la position que tu as debout par rapport à la sutra. Trois adhir. Et on a dit, adhir, c'est de le bout de ton majeur jusqu'à ton coude. Trois fois cette distance. Et quand ترتب خستغني ما مرشا. بهذا يجمع بين الأدلة. وهذا على سبيل الاستحباب. لماذا on dit pas que c'est واجب؟ On a dit la sutra c'est واجب. الآن ces distances c'est pas واجب. On dit الاستحباب. لماذا؟ C'est pas un ordre, ليس أمر. كذلك أن هذه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم il a pas donné d'ordre. C'est mujarrad fi'l. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait hakada. Et on a dit, la base dans les af'al du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'istihbab. Sauf si on a un dalil qui montre l'obligation. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait hakada. Ça montre que c'est recommandé. Anna, celui qui, il espace cette distance, c'est pas wajib. Lakin, il s'écarte pas trop. Et Anna, s'il s'écarte trop, c'est plus une sutra. Nahlou, dès qu'on dit c'est mustahab, aïe, il faut être environ à cette distance. Amma, une personne va t'aller animer une sutra, il prie à 10 mètres derrière. Il n'a plus de sutra. Fa yufham hada. Anna hada c'est min bab l'istihbab. Lakin la personne, il est qarib ila sutra ala kulli hal. Amma qui s'éloigne une distance éloignée, il n'a plus de sutra. Il n'a plus de sutra et il a délaissé un wajib. On cite des masa'il avant de passer à mas'alat, celui qui passe devant la sutra ila akhiri. On cite des masa'il muta'alliqa bis sutra. أولا المسألة الأولى مقدار طول السترة أي السترة que tu vas prendre c'est quoi le minimum, la hauteur. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد أي لا ستة أدلة لكن هذا كما قال الإمام ابن قدامة من باب التقدير والتقريب. On a expliqué, on a souvent les distances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne, c'est minbab al-taqrib. C'est pour te rapprocher, anta. C'est pas au centimètre près la mas'ala. Qala wa akhiru ar-rajl takhtalif fi at-tul wa al-qasr wa al-qisr. Fa taratan takun dhira'an wa taratan takun aqal min. Ala kulli hal, la distance c'est ça. La hauteur, ça va être ça. Al-dhira'. Si tu places ta main sur le sol, ça va être du bout de ton majeur jusqu'au coude. Ça va être à peu près hakada. Si elle baisse un peu ou elle est plus haute, si elle est plus haute, l'auteur d'un mur de 3 mètres, de 10 mètres, de 50 mètres, c'est bon la sutra. Lakin nahnu par le minimum. Le minimum c'est qal fataratan takun dhira'an. Wa hatta hada min bab at-taqrib. Si c'est à peine moins, maintenant nahnu dit dhira', si tu fais hakada, ça va être hakada. Si c'est là, yujzi. Ça c'est min bab at-taqrib comme a qala l'imam ibn Qudam. Lakin il faut pas que la sutra soit trop petite. Amma kama yaf'al ba'd an-nas. Imam matalan mithla hada, il fait hakada. Une petite chose hakada là, c'est pas une sutra. Mais la sutra il faut qu'elle se voit. Hatta celui qui veut passer, il sait que tu fais salat, il passe derrière. Amma hakada une petite chose, l'insan qad la yantabih. Fa hada muhim lis sutra. Tu prends une sutra qadr al-dhira' ay يقارب الذراع ان شاء الله تجزئ. قال وطاره تكون اقل منه اي اقل من الذراع فما قارب الذراع اجى الاستطار به والله اعلم. نعم هذا انظر المغني لابن قدامه ذكرها ça c'est par rapport à la longueur. بقي على largeur مقدار عرض السترة. الشيخ الألباني لا سيتي دي أدلة كون لي. قال وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده. الأسطوانة أي البيلي الأعمدة. فسي بيلي لا شك لا أوتور سافا يتبو ان بيلي دا مسجد سافا دو سول جوسكو بلافون. بقي على لارجور فلا يضر la largeur, que ça soit large, que ça soit fin. Comme ça yati kalam ibn Qudama qala rahimahullah fala had na'lamu fa innahu yajuz an takun daqiqa kal sahm wal harba wa ghalidatan kal ha'it. N'am, il y a pas de distance dans la largeur. Elle peut être cette sutra fine comme une flèche, elle peut être large comme un pilier, comme un mur. Fala yadhur, l'essentiel c'est que tu as quelque chose devant toi, quelque chose qui se voit. Voilà, c'est fin comme une flèche, une bouteille, ou plus fin qu'une bouteille, fahada yujzi. Wa Nabi sallam kama qulna, il a fait la prière, il a fait salat inda al-ustwana fi al-masjid, ay smita en face d'un pilier. Qala wa kana idha salla fi fada'in laysa fihi shay, al-fada' ay sahra, qala dans un désert, laysa fihi shay yastatir bih, غرز بين يدي حربة فصلى إليها والناس وراءه وأحيانا كان يعرض قال بتجديد الراء أي يجعلها عرضا أي إلا ميغ لارجور هكذا راحلته فيصلي إليها سي سان شامو فلا شك سافا ايت بلوزيور متر دو لارجور قال وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل أعطان الإبل سي لوندروا où le propriétaire des ibil il place ses chameaux. L'endroit où ils mangent, ils font leurs besoins et l'akhiri, de faire salat. Et on va voir, inshallah, demain, les endroits où c'est interdit de faire salat. Minha a'tan al-ibl. Lakin, le fait de prier en face d'un chameau, c'est pas la même chose. Là, ce qui est interdit ou manhi an, c'est de prier dans leur endroit. Leur endroit où l'enclos, où ils sont, où ils restent, ils sont attachés, ils restent, ils mangent, ils l'akhiri, hadil amakin, c'est manhi anha. Amma, anta, t'es dans le désert et t'as un chameau et tu veux prier en face, yajouz. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Qala fa innahu nala anha, sayati ma'ana. Qala wa ahyanan kana ya'khud al-rahil, fayu'dilu, fayusalli ila akhiratih. وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك نعم أحيانا يمتس بيت يبخي en direction de la bête pas en largeur هكذا جهة مؤخرة الرحل هذا على كل حال شيخ الألباني c'est ça pour te montrer la sutra l'essentiel que ça soit quelque chose d'élevé ذراع comme on a dit la largeur, que tu la mettes en largeur, en longueur, que ça soit une chose fine, ou de large, comme un pilier, ou comme une flèche, ou le harba, ou hadil umur, tout ça yujzi. Comme a dit Ibn Qudama, rahimahullah. Qala, fal yusalli wa la yubali man marra wa ra'a dhalik. Al hadith il est sahih muslim. Qala, wa sarra marratan ila shajara. Et les troncs d'arbres, ta'alamoun, la largeur elle varie. Ça peut être un arbre fin. Le tronc, il est fin, ça peut être plus large, ça peut être beaucoup plus large. On a dit la largeur là, t'as donc. Que ça soit fin ou large, l'essentiel, c'est qu'il y a une sutra en face de toi. En général, il n'y a pas de problème dans la largeur de la sutra. En général, le problème que certaines personnes y rencontrent, c'est la longueur. Bah, d'un nas, ils mettent des choses, c'est trop court. Amma, mais elle a de faire un trèfle, hada, c'est abad. Bah, d'un nas, ils n'ont pas de sutra, ils font hakada. Et ils font salat. Tiens, un hadith fi hada, il est daif, on va le citer l'an. On finit. هذا قال وكان أحيانا يصلي إلى السرير إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الصلاة نعم en direction du lit de Aïcha هذا يجوز كذلك ça ça te montre أن يجوز tu fais الصلاة en direction d'une sutra et c'est une sutra élevée elle part pas du sol مثلا un lit c'est هكذا t'as deux pieds. Tu peux faire salat au milieu. L'essentiel, c'est que c'est levé. Il n'y en a personne ne peut passer. Tu n'es pas obligé de faire en direction le pied du lit qui part du sol. Là, tu peux faire kadalik au milieu. Là, il y a un salam. Il a fait salat en direction du sari. Ce n'est pas précisé taharra les pieds. Ce n'est pas précisé. Que ce soit au milieu ou le bout du sari, du lit. Fahada kulluhu yujzi. Et on aurait un kalam d'un أحد من أهل العلم في هذا طيب on verra demain si on trouve في هذه المسألة فهذا c'est مهم بقي مسألة on a dit الخط الاستتار بالخط لمن لم يجد سترة بعض الناس on a dit il est dans un endroit il ne trouve pas de سترة في الحقيقة si tu cherches tu trouves une سترة إما un pilier إما un mur إما un frère أما tu es dans un endroit où il n'y a rien حتى dans un désert tu vas trouver des branches tu vas trouver des cailloux tu vas trouver enfin, en général tu trouveras لكن بعض الناس ils ne trouvent pas on a dit ils font un trait هكذا هذا لا يجزي c'est pas une sutra جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا si quelqu'un de vous il fait الصلاة il met quelque chose en face de lui une sutra le hadith jusqu'à là il est clair قال فإن لم يجد فلينصب عصا s'il n'y a rien en face de lui, pas de mur, pas de pilier, pas d'arbre, enfin, il prend un bâton, matalan, et il le met en forme de sutra. Jusqu'à là, tayyib, ma'rouf. Qala fa in lam yakun falyakhut khattan thumma la yadhurruhu man marra bayna yadayhi. Ce hadith il est daif. Lianna la fin du hadith, rouya anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala s'il ne trouve pas, il ne trouve pas d'assa, il ne trouve rien en tant que sutra, fa il trace un trait. Hakada. Ce hadith il est daif. في سنده مجهول. Dans son sanad, il y a un rapporteur, il est inconnu. فالحديث il est ضعيف. كذلك الحديث في الطرب. أن مرة il aura porté comme ça, مرة il aura porté comme ça. العلماء أو بعض العلماء حكموا عليه بالضعف هذا صحيح لأن المجهول لا يصلح rapporteur dans ce sens on ne sait pas c'est qui لا يصلح on ne sait pas si c'est une personne de confiance ou pas فلا شك أن الحديث il est ضعيف فتracer un trait pour une sutra si on ne trouve pas de sutra لا يثبت أنت en général on a dit tu trouveras si tu ne trouves vraiment pas قدر الله on dit أن une personne il est dans un endroit il ne trouve rien لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شوف الصلاة هكذا هذا ما يتعلق بالاسبيت دو سيت سوترا دونك لا لونغور اون ا دي ذراع اون ا دي لي لونغور سي ا بوبري لا لارجور elle soit fine comme une flèche ou large comme un mur كل هذا يجزي اما مسألة le trait faire un trait on a dit هذا لا يجزي le hadith c'est basé sur un hadith ضعيف و الحديث الضعيف لا يعمل به قوله رحمه الله وغفر متن وكان لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد كان يصلي إذا جاءت شاء تسعى بين يديه فساعها أي من السعي أي يسغبخش قال في الحاشية أي سابقها فساعها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه هذا الحديث يتمنق أن المصلي عند الحاجة يجوز له كي سافونس الحديث اللي صحيح اللي في صحيح المسند للإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله الشيخ الألباني لا سيته هنا اللي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي إذ جاء أو جاءت شاة تسعى بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يفز الصلاة ونجيغ الشمسة سترة Une brebis elle est venue, chat. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas, ta'lamoun anna, cette bête elle comprend pas. Voilà où tu mets ta main, hiyanan elle veut passer. Fi hadal hal, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'est avancé. Hatta la bête elle est passée devant lui. Kadalik, tastadil, ou nastadil bi hadal hadith, anna si la sutra elle se déplace. Ça arrive à hadad et tu prends la sutra matalan une personne. Une personne il est assis au masjid, anta tu fais salat derrière lui et il part. Et un taille, une sutra juste après. Un mur, un pilier, un autre frère. Fait à tel hal, il est juste avant. Il y en a ce haraka, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait l'hajj. Et un taille, t'as une hajj. T'as une hajj de t'avancer vers la sutra, il y en a les wajiba, fait tu t'avances. Lakin, si c'est une distance courte, tu fais un pas, deux pas, trois pas, là, il y en a d'autres. Amma, une distance longue. Matalan, un frère, il était devant toi, c'était un sutra, il est parti. Tumma, il y a un mur à 15 mètres. Fait à tel hal, t'avances pas. Il y en a si tu avances 15 mètres, tu ne seras plus en salat. Cette haraka, elle est trop longue. Là, deux pas, trois pas, là, il y a donc. Tout ça, c'est basé sur ce hadith. Wa qala rahimahullah, wa salla salatan maktouba, fa dhamma yadeh, ou fa dhamma yadeh. Fa lamma salla qalu ya Rasulallah, ahadata fi salat shay, al Nabi sallallahu alayhi wa sallam marra, il a fait salat, et il a bougé sa main. فضم يده فالصحابه يقولون يا رسول الله حدث في الصلاه شيء اسكو يا une chose nouvelle dans la salat اي bouger sa main هكذا قال لا الا ان الشيطان اراد ان يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لساني على يدي وايم الله لولا ما سبقني اليه اخي سليمان لارتبط الى ساريه من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل الحديث الصحيح ce hadith on va détailler avec les autres hadiths il montre Allah si quelqu'un veut passer entre toi et la sutra tu l'empêches un shaitan il a essayé de passer devant lui il l'empêchait les sahaba ils ont vu cette haraka Ils ont vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a bougé la main, ils n'ont pas compris pourquoi. Les Anna ils ne voient pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu. Amma, nahnu l'an, on va se servir de ce dalil et de ce qu'il a cité après, rahimahullah, pour montrer si une personne elle veut passer entre toi et la sutra, qu'est-ce que tu dois faire. On lit le deuxième hadith. Wa kana yaqul, idha salla ahadukum ila shay, yasturuhu minan nas, fa arada ahadun, ayatajawaz bayna yaday, falyadfa' bi nahri. وليدرأ ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان جاء الحديث في الصحيحين عن كثير من الصحابة عن أبي سعيد وعن غير أبي سعيد Ces hadiths montrent, awalan, est-ce que tu as le droit de passer entre un musalli et sa sutra? Hukm al-murur bayna al-musalli wa sutrati. La shak anna hadha c'est haram. L'an nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bi daf'i. La shak ça sera autorisé. Limada tu vas le repousser. قال الامام ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور بين يدي المصلي والإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه. الإمام ابن عبد البر يلعب خصيصي الإثم أي لا دي بشي سامونت كسي حرام أما سسخي مجرد مكروه on avait vu أن الكراهة celui qui l'a fait il n'a pas de péché. Quelque chose de détestable si tu le fais tu n'as pas de péché. Les péchés c'est pour quelque chose de haram. نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع qu'il est آثم ça montre que c'est haram. لكن il a précisé أن celui qui passe il a plus de péché que celui qui laisse passer. بعض الناس il laisse passer il est آثم s'il sait bien sûr. أما celui qui passe il sait il a plus de إثم لأن il coupe la salade du frère. قال وكلاهما عاص إذ كان بالنهي عالما بيان سور سي ساف با لا يكلف الله نفسا الا وسعها سي ساف با اي ساف با اما سي سي que c'est interdit de passer entre le musalli et le sutra et il passe c'est un pécheur كذلك s'il ne laisse passer et il sait qu'il ne doit pas passer بعض الناس هكذا il laisse passer il a honte de mettre sa main ou لا يجوز هذا c'est دين personne n'a le droit de passer كبير ou صغير un proche ou une personne qui n'est pas tes proches هذا على كل حال personne ne doit passer entre toi et ta sutra قال ولما أو المار أشد إثما إذا تعمد ذلك وهذا مما لا أعلم فيه خلافا انظر التمهيد نعم ابن عبد البر إلى سيتي الإجماع أنه سحرم إلى آثم et celui qui passe il a plus de إثم que celui qui laisse passer ça c'est si les deux ils savent بقي قوله فليدفعه أو فليقاتله قال الإمام ابن رجب رحمه الله قال أصحاب الشافعي يدفعه دفع الصائل بالأسهل فالأسهل هذا أنت tu le repousses برفق et بحكمة une première fois une deuxième fois هكذا حتى il comprend tu comprends pas فليقاتله أنك tu te bats avec lui أو الأسهل فالأسهل دفع الصائل comme une personne qui veut te faire du mal تدفعه برفق قليل قليل s'il veut pas comprendre tu t'adaptes أنت قال ويزيد بحسب الحاجة. S'il veut pas comprendre, tu le montres. Tu le montres أنه il passera pas. قال وإن أدى إلى قتله. أدى إلى قتله فمات منه فلا ضمان فيه كالصائل. Si قدر الله tu le repousses et il tombe مثلا et il meurt, فلا شيء عليك. Comme on avait vu dans القواعد الفقهية. لأن الضمان هنا أنت تعرف raison de l'avoir poussé. تمأذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. T'as la permission de le repousser. فسي lui arrive quelque chose, lâche عليك. Tu le repousses, il lui arrive quelque chose, il se blesse أو كذا, lâche عليك. لأن il avait pas passé أصلا. وقال الإمام عبد البر رحمه الله المراد بالمقاتلة المدافعة وأظنه كلاما خرج على التغليظ. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليقاتلوا سان كلام خرج مخرج التغليظ. Ça ne veut pas dire que tu te bats ou tu le tues. Là, lakin tu le repousses. Tu le repousses. Voilà, yajouz. Un musulman, il se fait repousser. Il y en a la première fois qu'il te repousse, t'es excusé. Peut-être que tu ne l'as pas vu. Lakin, ajab al ibadanna. Tu le repousses et il réessaye. Tu le repousses et il veut passer. هذا يحصل من الجهال ففي هذا الحال شو ليش باباسي شو ليش باباسي هذا سي ثمرة الجهل احيانا انت تخوف الباساج اللي واسع جدا هو يفو باسي انتخو توا يتسطر هذا لا يليق بمسلم قال واجمع انه لا يقاتل بالسيف المقاتلة هنا سي با بالسيف او بالسلاح ابدا سي تو لو ريبوس افيك تا مان مسألة الان انا كومبخي ان le fait qu'il passe entre toi et As-Sutra, la yajouz. Il y a une autre mas'ala qu'on va voir l'un, wa hiya al-akhira. Annahu, s'il est passé, ahyanan, tu fais salat, toi entre ta sutra, et il passe, tu ne l'as pas vu. Au dernier moment, tu le vois. Est-ce que tu le fais repasser? Là. Léana, si tu le fais repasser entre toi et la sutra, il sera passé deux fois. S'il est passé, il est passé, tu le laisses. Ahyanan, ça arrive. Tu es concentré dans ta salat, tu ne fais pas attention, wahed, il passe. Badana, si tu le khata, tu le trouves, il le prend et il le refait repasser devant lui. Là. Léana, si tu le fais passer devant toi, il aura coupé ta salat deux fois. S'il est passé, il est passé. Si c'est un frère que tu connais, il a akhiré, tu le conseilles. Tu le fais, ya akhin tabe. Si c'est pas, tu lui montres. Hada. والله تعالى أعلم. يغست كلك مسائل الصلاة في مكة. Est-ce que ce tra c'est واجب في مكة؟ كذلك est-ce que ça concerne صلاة الجماعة؟ Tout ça on verra demain بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.